Chapitre 17. Mademoiselle, écoutez-moi donc. Ragdal était un homme universel. Le lendemain, entre chien et loup, il explorait les alentours de l'hôtel du comte de Charmeuse. En lui-même, il songeait « Quand on donne 50 000 francs, comme cela, si facilement, c'est que la chose en vaut 100 000. Je suis volé. » Et il récapitulait. Le bon Roger rencontre une ancienne au cabaret, elle le relance, lui bloque sa môme, et comme j'ai eu l'air d'en avoir deux, de me douter de quelque chose, il m'inonde de galettes et me refile le colis en souffrance. Tout ça n'est pas clair comme de l'eau de roche, et il y a quelque anguille dessous. Il conclut, à nous sa peau. Le tuteur de Rosémée n'avait pas encore d'idée bien arrêtée, il voulait savoir, voilà tout. Les graves domestiques galonnés de la rue Saint-Dominique lui en imposaient. Il craignit d'être brûlé au premier feu et n'interrogea aucun des magnifiques larbins qu'il entrevit. Mais les petites bonnes, les filles de cuisine, les femmes de chambre, oh oh, encore toujours à lui, d'autor, de riff, d'achar et de naissance. Kif kif bourricot, si j'ose m'exprimer ainsi. Précisément, cette rose de Julie, la complice de Bonheur dans le guet-apens matrimonial tendu à sa maîtresse. Julie sortit prestement par la porte de service, filant sur le boulevard Saint-Germain dans la direction de Saint-Germain-des-Prés. Le noble Ragdal lui emboîta le pas, souriant, la bouche en cul de poule, sifflotant d'un air dégagé. « Mademoiselle, écoutez-moi donc !» Julie fit d'abord sa coquette, trottina, ajusta son fichu, retroussa son blanc tablier et, aguichée par ce beau monsieur à moustache en accroche-cœur, elle finit par répondre et lança à son tour une œillade moqueuse et terriblement meurtrière. Et comme Ragdal la frôlait, lui caressait déjà le bras et la taille, elle nargua « Non, monsieur, je ne vous écoute pas. »« Ça y est, c'est fait !» se dit le Rasta. La conversation d'usage s'établit. « Comment vous appelez-vous, belle enfant ?»« Si on vous le demande, vous pourrez dire que vous ne savez pas. »« Aussi spirituel que joli. »« Voyez-vous cela ?»« Allons, monsieur, voulez-vous me laisser passer ?»« Ma maîtresse m'attend, je suis pressée. »« Si pressée que cela, chère mignonne, puisque je vous le dis !» Cela se termina, comme de juste, au de magot devant l'apéritif de rigueur. Ragdal se donna, comme artiste, et éblouit la jeune femme de chambre par ses propositions montmartroises. Oui, certainement, elle lui consacrerait son jour de sortie pour aller au bal et dans les boîtes nouvelles, mais on ne rentrerait pas trop tard, n'est-ce pas? Comment donc? Quand mademoiselle voudrait. Et, comme par hasard, la conversation tomba sur les patrons. Julie eut des sous-entendus, mettant encore sa langue. « Non, dit-elle, ce n'est pas à raconter, et puis cela ne vous intéresserait guère. De votre gentille bouche, tout doit être charmant. Enjôleur, va. Tenez, laissez-moi me sauver. Vous allez me faire gronder par madame. » Et avec un petit rire perlé, « Hein? Vous ririez si vous me faisiez perdre ma place. Je vous en trouverai une meilleure. Et où cela donc que j'y cours ?» « Mais dans mon cœur, méchante! Oh, pour cela, jamais de la vie, menteur !» Le galant Ragdal ne brusqua rien. Il fit sonner ses louis, prit congé de sa belle, après avoir obtenu le rendez-vous désiré. Il avait déjà des intelligences dans la place. Qui sait si quelque jour il n'entrerait pas en maître chanteur, naturellement, dans le vieil hôtel des Charmeuses.